Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Shiloh. Je serre ta parole dans mon cœur, oh Jésus. Je serre ta parole dans mon cœur, oh Jésus. Pour ne pas pécher contre toi, Shiloh, papa, soutiens-moi, oh Yahweh. Pour que je ne tombe pas, soutiens-moi, oh Jésus. Pour que je ne tombe pas, Je serre ta parole dans mon cœur, oh Jésus. Je serre ta parole dans mon cœur, oh Jésus. Pour ne pas pécher contre toi, Shiloh, papa, soutiens-moi, oh Yahweh. Pour que je ne tombe pas, soutiens-moi, oh Jésus. Pour que je ne tombe pas, Ta parole, Jésus, tu ne la veux à mes pieds. Lumière sur mon sentier, oh, voilà pourquoi ma vie est éclairée à jamais, oh, même pendant la nuit, ma vie est éclairée, Ta parole, Jésus, tu ne la peux à mes pieds, Lumière sur mon sentier, oh, voilà pourquoi ma vie est éclairée à jamais, oh, même pendant la nuit, ma vie est éclairée, Comment ai-je nommé, rendras-tu le pur son sentier, Seigneur, ses dirigeants, vraiment selon ta parole, moi j'ai besoin de ton esprit saint, papa, qui me soutient la nuit, le jour, pour que je ne tombe pas, Comment ai-je un homme, rendras-tu le pur sans sentier, Seigneur, ses dirigeants, vraiment selon ta parole, moi j'ai besoin de ton esprit saint, papa, qui me soutient la nuit, le jour, pour que je ne tombe pas, Voici comment je veux me comporter en attendant ces paniers qui continuent à surquiler. Je serre ta parole dans mon cœur, oh Jésus. Je serre ta parole dans mon cœur, oh Jésus. Pour ne pas pécher contre toi, Shiloh, papa, soutiens-moi, oh Yahweh. Pour que je ne tombe pas, soutiens-moi, oh Jésus. Pour que je ne tombe pas, Je serre ta parole dans mon cœur, oh Jésus. Je serre ta parole dans mon cœur, oh Jésus. Pour ne pas pécher contre toi, Shiloh, papa, soutiens-moi, oh Yahweh. Pour que je ne tombe pas, soutiens-moi, oh Jésus. Pour que je ne tombe pas, Même quand je marchais, oh. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai aucun mal. Car ton bâton et ta roulette me rassurent. Même quand je marche, dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai aucun mal. Car ton bâton et ta roulette me rassurent. Je ne crains rien, Seigneur, car je sais que tu es là. Mais j'ai seulement besoin que ton Esprit Saint me soutienne. Moi je te cherchais, oh, de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements, Yahweh. Je te cherchais, de tout mon cœur. Ne me laisse pas égaré loin de tes commandements, Yahweh.